Les madames qui venaient voir notre oncle après dîner, on les appelait Tante Jeanne. Ce n'étaient jamais les mêmes, mais on les aimait quand même. On aimait nos Tantes Jeanne. Ces tontons qui étaient contents quand ils enlevaient leurs gants, ils les appelaient chères gens. Les jolies vacances, quand une Tante Jeanne venait. Oui, les jolies vacances que notre tonton se payait. Nous, quand on nous demandait combien de tantes on avait de Tante Jeanne, on disait qu'on savait pas. Quand on aime, on compte pas, c'est Tante Jeanne. Ce qui était important, c'est que tonton soit content des Tante Jeanne. Des jolies vacances quand une Tante Jeanne venait. Ah, les jolies vacances que notre tonton nous payait. Nous, ça nous arrangeait bien. On nous envoyait au cinéma. En échange, on promettait bien de ne rien dire à grand-papa. Quand on rentrait vers minuit, on ne faisait pas de bruit, pas de bruit pour Tante Jeanne. Dire qu'on était trop petit pour en avoir une aussi de chère aux Jeanne. Pour le petit déjeuner, tonton était toujours gay. Je monte au pavillon, chère aux Jeanne. Les jolies vacances quand une Tante Jeanne venait. Ah, les jolies vacances que notre tonton se payait. Maintenant on a grandi, notre tonton a vieilli et vieilli les Tantes Jeanne. Mais nous, quand on va le voir, comme il n'a plus de mémoire, on réveille les Tantes Jeanne. Alors il est tout content, il retrouve le bon temps des chères Jeanne. Oh, et puis les jolies vacances des Tantes Jeanne passées. Ouais, les jolies vacances viennent tantôt. On va t'embrasser.